même si tu sais que tu n'as pas arrêté de fumer, mais en imaginant que tu comprends. Manière, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Il ne faut pas qu'elle s'arrête de manger comme ça du jour au lendemain. Non, mais de manière, c'est pas en s'arrêtant de manger ou en disant bon ben j'arrête de fumer, je fais un régime. Ça, c'est pas bon. Ouais, c'est clair. Là, j'ai pas de conseil à te donner. D'accord, mais si tu avais un conseil à lui donner, ça serait lequel? Même si tu n'en as pas, hein, c'est pas grave. Hein. Un conseil mieux... que tu n'as pas, un conseil que tu n'as pas, ça serait lequel? Non, mais le mieux, c'est que, bon, tu diminues petit à petit. Non, t'as pas compris, Gérard. Attends, je vais être... Regarde-moi. Attends, je vais le faire, Sophie, je vais l'expliquer. Sophie, elle fumait depuis longtemps. Un paquet, on va dire un paquet par jour, à peu près, hein, d'accord? Ouais. On va dire un paquet, non, mais on va simplifier les choses. Elle fumait un paquet par jour depuis 4-5 ans. Mm-hmm. Et depuis une semaine, elle a arrêté de fumer, définitivement. Le problème qu'elle a aujourd'hui, Sophie, c'est que le fait d'avoir arrêté de fumer, elle compense en mangeant plus que d'habitude. Donc elle prend du poids. Et c'est vrai que souvent, quand les gens arrêtent de fumer, tu en as souvent entendu parler, les gens ont tendance à manger des bonbons, des sucettes et des machins, du sucre, ouais. Et donc à prendre du poids. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au bout d'une semaine, Sophie a pris déjà 3 kilos. D'accord? Donc, elle se dit que si ça continue comme ça, dans 15 jours, elle en fera 6 de plus, 9 de plus dans 3 semaines, soit 12 dans un mois. Donc, elle doit se poser la question, peut-être pas elle particulièrement, mais pour les gens qui sont de l'autre côté, qui sont dans le même problème, est-ce qu'il vaut mieux pas pour elle reprendre à fumer, donc de se redroguer, plutôt que de prendre du poids et devenir énorme? Qu'elle fait gaffe à son alimentation. Est-ce qu'elle va manger derrière? Eh ouais. Elle mange derrière. Parce qu'en fin de compte. Tu n'y avais pas pensé, je pense. Personne n'y avait pensé, Maëlle non plus, Sophie, c'est dommage. Non, c'est l'alimentation. Parce que si tu manges, par exemple, steak, poulet ou autre, mais c'est sûr que là-dedans, tu risques de prendre plus de poids. Mais faut te dire une chose, que c'est pas en essayant de vouloir dire j'arrête tout. Que tu prendras pas le poids. Au contraire, faut y aller petit à petit, étape par étape. Là, tu veux t'arrêter sur un truc. Ah, tu veux dire, Gérard, là j'ai compris, je crois que Sophie et Maëlle, on n'avait pas compris. Ouais. D'après Gérard, et c'est pas con, ouais. Elle grille les étapes. Oui, ouais, personne n'y avait pensé, ça. Mais en fin de compte, faut qu'elle essaye de boire par elle-même, si elle veut. De toute manière, j'ai pas son âge. J'ai 23 ans de Paris. Sophie, 23 ans de Paris. Moi, ton poids sans indiscrétion. Sans indiscrétion, 55 kilos. 55 kilos. Donc, 55 kilos. Je suis en train de faire des calculs. Non, mais essaye de voir. Tu manges quoi dans la journée sans indiscrétion? C'est Einstein. Non, en fait, ce que je mange à la place des clopes. Oui. Non, mais ce que tu manges en général. Ce que je mange en général, essentiellement des fibres. Hein? Essentiellement des fibres. Non, mais des fibres, c'est quoi? Des fibres. Ah oui, des fibres. Mais attends, moi... Des fibres. J'en connais un tout à l'heure. Attends. Hey, les gars. Si Sophie avait de manger des fibres, ça la regarde. Elle va grossir. Elle va grossir. Non, justement. Tu sais que c'est une fibre. N'importe quoi. Ah Gérard, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est toi. Non, c'est pas moi. On réécoute. Ah bah vas-y, de toute manière, c'est ton auditrice. Mais je te dis, t'as dit des fibres. C'est toi qui. Non. Elle a dit des fibres. Ouais, donc je te disais, Gérard, que je mange essentiellement des légumes, des fruits, des choses comme ça. Mmh. Et pour compenser, c'est vrai qu'au début, c'était des petits bonbons, des choses. Enfin bref, et puis aujourd'hui, c'est des choses comme sans sucre. D'accord. Ah ouais, non mais de toute manière des trucs faut voir toi ton côté ce que t'as envie de faire. Dans ce cas-là, c'est à toi de prendre. C'est à toi de voir. Gérard, je sais pas, un jour, Sandy et toi, vous envisagez d'avoir un môme. Oui. Tu continuerais de fumer? Non. Alors, attends, Sophie. Derrière au standard, vous vous calmez. Moi, je peux te dire une chose. Que le jour avec, si un jour, même si je veux avoir un enfant avec Sandy, et même Sandy, on peut l'appeler en direct. Non. Je suis prêt. Pourquoi tu fais un doigté, toi? Je suis prêt. Oui, attends, écoutez bien. Sur la tête de Max. Je suis prêt. Je suis prêt d'arrêter de fumer. On appelle Sandy. Attends, parce que là, non, autant j'avais un cœur en or, autant t'es en train de me faire battre à 2500 km/h, là. Hein. Hey, oh, tu jures pas sur ma tête, hein, gamin? Si. Non, non, non. Si. Oh, tu jures sur ma tête, ce con. T'es taré ou quoi? Non. Ah, mais jure pas sur ma tête, t'es taré ou quoi? Non, non, mais moi, je te jure sur ta tête. Non, non, c'est bon. J'arrête de fumer. On appelle Sandy en direct. C'est occupé, c'est occupé. Non, non, c'est pas occupé. Attends, c'est pas toi qui l'appelle. C'est Manu. Non, non, non, non, non. Eh, hey, fais gaffe. Putain. C'est le numéro, hein, c'est bon. Eh, hey, fais gaffe, parce que... Bon, si vous avez des questions, en tout cas, à poser à Gérard, puisqu'il est là pour la libre antenne, si vous avez des conseils à lui demander sur un... Et puis, il est en forme. Ah, attention. Non, non, non, non, non. C'est chez toi, ça? Gérard, c'est chez toi? Non. Putain, t'es un 36-68 chez toi, Gérard. Ça va? Tu peux pas le couper? Regarde, regarde, regarde, Sophie. Pour toi, et rien que pour toi. Putain, c'est chez toi, ça, Gérard? Ça va, Gérard, enlève ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le tir, il met un coup de poing. Ça y est, ça y est. Gérard, Kildar est mort de rire. La touche étoile de ton clavier téléphonique. Vas-y, arrête, Assieds-toi. Quoi, fantasma? Arrête. Non, t'arrêtes. Mais gaffe pas ta gueule, toi. Parce que je vais pas te louper, hein. Dis-lui. Mais gaffe, parce que je vais pas te rater, là, souvent. Il t'a raté 15 fois, je le dis dernier. Non, mais... non, non, non. Tu me l'appelles? Non, mais non, ouais, c'est bon. Il va faire pour se rattraper. Non, non, non, non, non. Non, non, elle te répondra pas. Bah, Manu, tu t'appelles Sandy. C'est bon, c'est bon. Ah, bah, tu lui as raccroché au nez. T'as coupé, salaud. Oh, putain. Eh, putain, t'as un gardien ou quoi? Non, écoute. Putain, tu lui appelles. Ça y est. Allez, c'est parti. Non, non, tu ne fais pas un faux numéro. Non, non, tu fais le bon. Moi, je connais pas. Attends, calme. On se calme, putain, ça va. Oh, la foudre. Attends, calme-toi. Oh. Attends. Alors, on appelle chez donc Gérard pour voir si Sandy va bien. Va arrêter. Elle est fumeuse. Hein? Elle est fumeuse? Oui, elle est à la maison. Bonjour, bienvenue sur Fun Radio. Nous ne pouvons pas vous répondre pour le moment. Vous désirez nous joindre, vous pouvez dès maintenant... Putain, toutes les lignes sont occupées. Putain. Arrête.